Le même jour, pour des raisons diverses, certains averses s'inquiètent plus que d'autres. Jonas, parce que son auberge, fouillée en vain, sera encore plus désertée. Miriota, parce que son fiancé n'était pas là pour la traditionnelle foire aux fiancés. Et les seuls étrangers que le berger fric a rencontrés n'ont pu le renseigner. De ce fait, une deuxième expédition, composée de fric, Jonas et Colts, est organisée. Mais l'on craint à Verst d'accroître le nombre des victimes. Quant à ce qui a suivi la chute de Nigdect, le voici. Le forestier est évanoui. L'auteur Patak est incapable de lui venir en aide, car ses bottes sont clouées au sol et ses pieds, gonflés, n'en peuvent sortir. Soudain, l'invisible force qui l'enchaîne est brusquement rompue. Ses jambes sont libres. Il mouille la figure de Nigdect avec son mouchoir qu'il a trempé dans l'eau du fossé. Le forestier reprend connaissance, mais son bras gauche et une partie de son corps sont inertes depuis l'effroyable secousse qu'il a subie. Cependant, avec l'aide du docteur, il parvient à se relever et à regagner le plateau. Enfin, c'est au moment où le docteur se disposait à partir afin d'aller chercher du secours à Verte que Maître Colt, Jonas et Frick sont arrivés très à propos.